الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 50 dans la lecture du livre de Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymeen, عقيدة أهل السنة والجماعة, avec les commentaires de Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymeen lui-même. Donc c'est un livre très très intéressant. On est arrivé maintenant dans un passage dans lequel le cheikh il explique, toujours on parle à propos de l'amour, l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala aime, hein, que Allah aime, et on a parlé un petit peu de ça au dernier cours. Le cheikh il mentionne d'autres versets au sujet de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les versets suivants, c'est les versets qu'on va expliquer. وَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Et l'autre verset c'est وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Et l'autre verset après c'est وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Et l'autre verset après c'est وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Donc les catégories de personnes qui ont les caractéristiques que Allah aime. Le premier verset, c'est le verset dans Surat Al-Ma'idah, verset 54, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah viendra ou ramènera un peuple que Allah aime et qui aime Allah. » L'autre verset, qui est le verset 146 dans Surat Al-Imran, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et Allah aime les endurants. » Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et soyez justes, car certes Allah aime les justes. » Et dans l'autre verset, il dit « Et soyez bons, car certes Allah aime les bienfaisants. » Donc faites preuve de bienfaisance et de bienveillance. Et l'autre verset, bon, les autres versets, on va les expliquer par la suite. Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de l'amour et qu'il aime. Et après, on va mentionner d'autres exemples, d'autres attributs d'Allah. Et non, donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? En tout cas, j'avais un point que je voulais mentionner, mais ça m'est sorti de l'esprit. Donc, ah oui, j'ai commencé à faire l'édition des cours que j'avais fait depuis le mois de juin. Que j'avais accumulé, j'avais pas encore eu le temps, parce que j'avais été très occupé dernièrement, j'ai pas eu le temps de mettre à jour tous les cours sur le site. Donc hier j'ai commencé, j'en avais plus que 107, à peu près 107 cours en retard, donc j'en ai fait hier et aujourd'hui. Là maintenant je suis arrivé à 50, donc ça veut dire j'ai fait plus que la moitié. Donc, Inch'Allah, bientôt les cours vont être mis à jour, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté pour me demander quand est-ce que les cours allaient être ajoutés sur le site internet. Et étant donné que dernièrement on avait fait beaucoup de cours, donc j'ai pas vraiment eu le temps de les faire au fur et à mesure. Donc j'ai accumulé beaucoup, beaucoup, puis... Oui, je me rappelle... Ça c'était l'époque où j'envoyais les liens par email. Ouais, ça c'était plus facile, plus simple, plus efficace. Maintenant c'est un petit peu plus compliqué, parce que en tout cas c'est il y a toutes sortes, plein d'étapes là. En tout cas, frère, inshallah. Donc on va expliquer les explications de Cheikh Ibn Uthaymeen à propos des versets qu'on vient de lire. Le premier verset dans Surat Al-Ma'idah, le verset 54. Et Allah va ramener un peuple qu'il aime et qu'il aime. C'est-à-dire qu'Allah aime et qui aime Allah. Et il dit le Cheikh, وَقَوْلُهُ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ هَذَا جَوَابٌ لِشَرْطٍ مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ إِذَا أَرْتَدْتُمْ عَنِ الدِّينِ فَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَنْ تَضُرُّوهُ شَيْئًا بل يأتي بقوم غيركم يحبهم ويحبونه. وفي قوله يحبهم ويحبونه إثبات المحبة من الجانبين كما كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il va faire venir un peuple que Allah aime et qui aime Allah. Et le cheikh il dit que ça c'est la réponse à qu'est-ce qu'il dit au début. Et il y a quelque chose également dans ce verset qui est sous-entendu. Hein, parce qu'au début du verset il dit ya ayyuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. C'est-à-dire ô vous qui avez cru, quiconque apostasie de sa religion, alors Allah viendra avec un peuple qui aime Allah et que Allah aime, ou bien que Allah aime et qui aime Allah. Donc il dit il y a quelque chose dans ce verset qui est sous-entendu. Et qu'est-ce que c'est? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala il dit si vous apostasiez de la religion, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala yani, il se suffit à lui-même, il n'a aucun besoin de vous. Et le fait que vous apostasiez tous de la religion et que vous abandonniez tous la religion d'Allah, eh bien ça ne lui cause aucun tort. Hein? Même qu'il va faire venir d'autres, un autre peuple que vous, qui l'aime, c'est-à-dire qui aime Allah et que Allah aime pour vous remplacer. Et donc il dit ici, il y a dans ce verset l'affirmation de l'amour des deux côtés. L'affirmation de l'amour d'Allah pour les serviteurs et l'affirmation de l'amour des serviteurs envers Allah. Et il dit, c'est un autre verset aussi dans le Coran qui a ce sens-là, le verset 38 dans Surat Muhammad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Et si vous vous détournez, il va ramener un autre peuple que vous, et ils ne seront pas comme vous. » Donc pour dire que, hein, pour dire que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de personne. Il n'a besoin de personne, il n'a pas besoin de nous, et que celui qui refuse de se soumettre à Allah, celui qui refuse de lui obéir, il ne cause aucun tort à Allah, il ne fait que du tort à lui-même. Ensuite, le shaykh il dit, وَقَوْلُهُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ أي الصابرين على شريعة الله والصابرين على أقدار الله وشريعة الله وأوامره ونواه أوامر ونواهٍ فهم صابرون على الأوامر وصابرون عن النواهي وصابرون على الأقدار فمن كانت هذه حاله فإن الله يحبه. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il aime les endurants, et il dit ceux qui sont endurants, c'est-à-dire ceux qui font preuve de patience sur la sharia d'Allah. Donc ils sont patients dans le fait d'appliquer la charia d'Allah, parce que ça demande beaucoup de patience et de persévérance, d'endurance. Et aussi ils sont endurants vis-à-vis de la prédestination d'Allah, les choses que Allah a prédestinées dans nos vies et qui sont parfois douloureuses, hein, et également les ordres et les interdictions, hein. Donc d'être endurant vis-à-vis des ordres, continuer à les mettre en application, et endurant vis-à-vis des interdictions, c'est-à-dire de continuer à s'en abstenir. Donc ça, c'est celui qui est dans cette, qui a ces caractéristiques-là, eh bien, il fait partie de ceux que Allah aime. Il dit ensuite, al-mas'ala, ayyuhuma a'zam, al-khulla ou al-mahabba. Wal-jawab, al-khulla, أعلى مراتب المحبة ولذلك الذين يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله انتقصوا محمدا صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولهذا فإن المحبة يوصف بها كل مؤمن وإن الله يحب المتقين ويحب الصابرين ولكن الخلة لا نعلم أحدا يوصف بها إلا اثنين وهما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقط. وعليكم السلام ورحمة الله. حتى إنه لا يجوز أن نقول موسى خليل الله ولا أن نقول عيسى خليل الله ولا أن نقول نوح خليل الله لأن هذا الوصف لا يكون إلا لاثنين وهما محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. Donc le cheikh il dit ici, quelqu'un nous posait la question, lequel des deux est meilleur, al-khulla ou bien al-mahabba? Et comment on peut expliquer la différence entre al-khulla et al-mahabba? C'est que en fait ce sont deux catégories ou deux sortes d'amour. Et al-khulla c'est plus haut en degré que al-mahabba. Al-mahabba c'est l'amour de façon générale et al-khulla c'est un amour, mais un amour plus particulier, plus intime, qui ne peut pas être partagé. Hein? Et donc, le cheikh explique donc que le niveau le plus élevé parmi les niveaux de l'amour, c'est en arabe al-khulla. Et c'est pour cette raison-là qu'on dit Ibrahim, hein, il dit que c'est pour cette raison-là que ceux qui disent que Ibrahim est le Khalil d'Allah et que Muhammad est le Habib d'Allah, eh bien en disant ça, c'est comme s'ils avaient diminué le degré du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par l'imam muslim selon Jundub ibn Abdillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah m'a pris comme son Khalil comme il avait pris Ibrahim comme Khalil. Donc, c'est le bien-aimé d'Allah. Hein? Il est bien-aimé d'Allah de la même manière que Ibrahim était bien-aimé d'Allah. Et donc, al-mahabba, hein? Ça c'est tous les croyants qui rentrent dans cette sorte d'amour-là. Al-mahabba, c'est général pour tous les croyants. Allah, il les aime. Mais al-khulla, eh bien ça c'est plus spécifique et c'est uniquement pour deux parmi les créatures, parmi les serviteurs d'Allah, seulement Muhammad et Ibrahim alayhi salam, uniquement, personne d'autre. Tandis que les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit yuhibbu al-muttaqin wa yuhibbu al-sabirin. Donc tous ceux qui ont ces caractéristiques là, Allah les aime. Il aime ceux qui sont endurants, qui ont la piété, qui se préservent du châtiment d'Allah, il les aime. Mais al-khulla, ça c'est spécifique à ces deux prophètes d'Allah, Muhammad et Ibrahim. Il dit même qu'il n'est pas permis de dire à propos d'autres que ces deux-là qu'ils sont des Khalil d'Allah. Donc on ne peut pas dire Moussa est le Khalil d'Allah, on ne peut pas dire Isa est le Khalil d'Allah, on ne peut pas dire Nuh est le Khalil d'Allah, parce que cette caractéristique d'être un Khalil, personne excepté deux parmi les hommes la possède, c'est Muhammad et Ibrahim alayhim as-salat wa salam. Et le cheikh il dit la walakin ayyuhuma afdal naqulu Muhammad alayhi as-salat wa salam afdalu min al-jami' yaqulu an-nazim wa afdalu al-khalq 'ala al-itlaq nabiyyuna famil 'an ash-shiqaq. Donc lequel des deux est meilleur entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Ibrahim, lequel des deux est meilleur? Le cheikh il dit c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est meilleur que tous les autres. Et il cite un vers de poésie qui résume ce point-là en fait, et qui clarifie que le meilleur de toutes les hommes, le meilleur de toutes les créatures, eh bien c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, à propos de l'autre verset, wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin, et faites preuve de justice car Allah aime ceux qui sont justes. Verset 9 dans surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ça dans ce verset, et le cheikh il explique la signification du verset. Il dit wa aqsitu, aqsitu ay i'dilu fi anfusikum wa fi ahlikum wa fi muamilikum ففي الجميع يجب العدل حتى في أنفسكم. ولهذا لما أراد عبد الله ابن عمر ابن العاص عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن يقوم الليل كله ويصوم النهار كله قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا. وأوجب العلماء رحمهم الله على أن من خاف على نفسه الموت من الجوع أن يأكل، وعلى من خاف الموت من العطش أن يشرب، ولا يقول لي أن أهلك نفسي لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Donc le cheikh il dit et soyez juste car Allah certes aime les justes et soyez juste en arabe dans le verset c'est le terme aqsito qui est employé et aqsito un synonyme c'est a'd i'dilu i'dilu c'est-à-dire faites preuve de adl de justice. Donc al-qist c'est la justice et al-adl c'est la justice, les deux c'est des synonymes. Donc aqsito ça veut dire i'dilu et le cheikh il dit soyez juste envers vos propres personnes, envers vos familles et envers ceux avec qui vous avez des interactions de façon générale. Et dans tout, il faut obligatoirement faire preuve de justice. Et donc, il dit que même envers vous-même, vous devez faire de la justice et vous devez être juste. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lorsque Abdullah ibn Amr ibn al-As, il voulait prier toute la nuit, sans dormir et jeûner toute la journée, tous les jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de ne pas le faire. Et il lui a dit, car ton corps, il a un droit sur toi. Ta personne, elle a un droit sur toi-même. Donc tu as un droit sur toi-même, tu dois être juste même envers toi-même et ne pas dépasser la limite. Et c'est pour ça que les ulama, ils ont même rendu obligatoire pour celui qui craint pour sa propre vie, lorsqu'il jeûne, que s'il a faim au point où il commence à craindre, on craint pour sa santé ou pour sa vie, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire pour lui de manger. Et s'il a soif au point qu'il commence à craindre pour sa vie ou pour sa santé, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire pour lui de boire, parce qu'il n'a pas le droit de dire « je vais me tuer moi-même » ou « je vais périr, je vais causer ma propre perte ». Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 19 dans sourate An-Nisa, et ne tuez pas vos propres personnes, ne vous tuez pas vous-même, car certes Allah est miséricordieux envers vous. Et il dit وَبِهَذَا نَعْرِفُ خَطَأَ مَنْ يَتَبَرَّعُ بِشَيْءٍ مِنْ أَعْضَائِهِ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَبَعْضُ النَّاسِ يَتَبَرَّعُ بِكِلْيَتِهِ لِوَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ تَعَطَّلَتْ كليته فقال أنا أريد أن أتبرع له بكليتي أو بكليتي فيقال له هل كليتك لك؟ الجواب ليست لك حتى تتبرع بها لأحد بل ولا أن تبيعها وأنت حر لأن الحر لا تباع ثم إذا قدرنا أنه لا يضرك وأنه ينفعه فليس هناك احتمال ولو واحدا في المئة أن جسمه لا يستجيب لها فإذا فقد ارتكبنا مفسدة يقينا لمصلحة ليست يقينية ثم هل تأمن نفسك إذا تبرعت بكليتك أو بكلية أن تبقى الباقية صالحة دائمة فقد يأتيك مرض وإذا أتاك المرض فمعناه أنك أهلكت نفسك لأنك لن تعيش بلا كلى لأن الكلية تمتص جميع السموم التي في الأطعمة والأشربة ولو تخلت الكلية عن العمل لانتشرت في الجسم السموم وهلك. Donc le cheikh il explique ici que c'est pour cette raison que c'est une erreur de la part de certaines personnes qui font le don de leurs propres organes à quelqu'un. Donc il y a des gens par exemple qui disent ah, moi je vais donner mon rein, un de mes reins à quelqu'un. J'ai deux reins, donc je vais en donner un des deux. Parce que le rein de cette personne, il fonctionne plus, donc il dit, bon, moi, je vais lui donner le mien. Et donc, le cheikh, il dit, premièrement, est-ce que ton rein, il t'appartient à toi, premièrement, pour que tu puisses le donner? Hein? Donc il dit, le cheikh, il dit non, il n'est même pas à toi, à la base. Ton corps, il ne t'appartient pas. Hein? Ça, c'est la réponse à, au féministe qui dit, mon corps m'appartient. Hein? Ton corps, il ne t'appartient pas. Est-ce que c'est toi qui l'as créé, ton propre corps? Non. Hein? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé, donc il appartient à qui? Il appartient à Allah. Donc tu ne peux pas faire avec ton corps ce que tu veux. Tu peux uniquement faire avec ton corps ce que Allah veut que tu fasses. Et donc le cheikh explique ici que tu ne peux pas donc donner ton organe ou tes organes, hein, ni les vendre, hein, parce que tu es une personne libre, et on sait qu'une personne libre, on n'a pas le droit de la vendre, et on ne peut pas donc par conséquent vendre ses membres. Et donc il dit, puis par exemple, si par la suite on supposait que ça ne lui fasse pas de tort, hein, et que ça lui profite à 100%, hein, donc dans ce cas-là, encore là, le cheikh dit ça, c'est dans le cas où on supposerait que ça que serait profitable à 100%, que ça ne lui ferait aucun tort, mais il y a toujours une possibilité que la transplantation de ton organe, elle ne soit pas acceptée dans le corps de l'autre, et qu'on fasse la transplantation et qu'on la mette dans le corps de la personne et que son corps le rejette. Hein, il y a toujours une possibilité que le corps rejette cet organe. Pourquoi? Parce que le corps de l'autre, il ne l'accepte pas, il ne le reconnaît pas. Même pour la famille. Hein, et il dit, puis il dit, réfléchis à toi-même. Il dit, lorsque tu donnes ton organe, est-ce que tu es certain que l'autre que tu gardes, il va toujours fonctionner et que tu ne vas pas un jour tomber malade et qu'il ne va plus fonctionner toi aussi, celui que tu as gardé? Donc ça veut dire que dans ce cas-là, tu t'es mis dans une situation où, hein, tu t'es tué toi-même, ou tu t'es fait périr toi-même, parce que tu ne peux pas vivre sans tes reins. Tes reins, c'est qu'est-ce qui nettoie ton sang de toutes les saletés, de toutes les impuretés ou les choses qui peuvent t'empoisonner et te tuer. Donc c'est comme le nettoyeur, hein, dans ton corps. C'est qu'est-ce qui nettoie, qui filtre le sang dans ton corps. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pensé à tout, hein, quand il a créé le corps humain. Ça aussi, c'est pas permis de donner les organes, même pour dire par exemple, après ma mort, je vais donner mes organes. Non. Parce que le corps du musulman, il est sacré, dans la vie et après la mort. Donc on n'a pas le droit de faire de la charcuterie avec, puis de commencer à arracher des morceaux, puis de... Non, le corps du musulman, il est sacré. Et on doit respecter le corps du vivant et le corps du mort. Hein? Bon, si quelqu'un le fait, s'ils l'ont fait illégalement ou bien sans avertir les membres de la famille, ben dans ce cas-là, c'est eux qui vont porter le péché de ça, tu vois. Mais nous, on est responsables uniquement de ce qu'on sait. Tu vois, par exemple, les gens qui font les autopsies ou qui des trucs comme ça, même les ulama, ils ont dit que même on ne doit pas faire d'autopsie sur les corps pour pas justement... abîmer ou bien ouvrir le corps, commencer à jouer avec, mais c'est dans des cas où c'est nécessaire, où c'est obligatoire, ou des choses comme ça. Quand il y a une nécessité, hein, c'est permis par nécessité. Mais sinon, en temps normal, c'est pas permis. Parce qu'il y a une règle dans la charia qui dit al-darura tubih al-mahdura. C'est-à-dire la nécessité rend permissible l'interdit. La nécessité rend permissible l'interdit. Donc, s'il y a une nécessité, alors dans ce cas-là, ça peut être permis dans des cas de nécessité. Mais en temps normal, la règle générale, c'est que c'est pas permis de le faire. D'accord? Et le cheikh, il dit ensuite que, il dit, ثم إن الظاهر, hein, إن الظاهر لي وأقول ليس عن شرع ولا عن طب أن هاتين الكليتين تتعاونان وأنه إذا انفردت إحداهما ثقل الحمل عليها وصار هذا أقرب إلى تعبها وفسادها. Donc il dit que qu'est-ce qui me semble quelque chose qui me semble plus logique, c'est ça? Qu'est-ce que je constate, c'est que il dit, je dis pas ça par rapport à la religion ni par rapport à la médecine, c'est une opinion que j'ai, c'est que selon moi ces deux reins là, ils travaillent ensemble. Hein? C'est comme s'ils s'entraident les deux. Et que si on en enlève un, eh bien c'est comme si on a alourdi la tâche à l'autre rein de faire tout le travail, donc il risque de se fatiguer plus. Hein? Et donc il risque plus de ne plus fonctionner par la suite. Donc il dit فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ هل التبرع بالدم يدخل في التصرف فيما لا حق له به؟ قلنا لا، لأن التبرع بالدم يأتي خلفه. Donc il dit, est-ce que les dons de sang, ça rentre dans ça? Il dit, parce que, yani, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de donner de notre sang à quelqu'un d'autre? Parce que ça nous appartient pas, donc on n'a pas le droit de faire de don de sang. Et le cheikh dit non, parce que le don de sang c'est pas pareil. Puisque quand tu donnes un peu de ton sang, il y en aura toujours d'autres qui va se faire de ton sang. Ton corps il va créer du nouveau sang pour remplacer le sang qui a été donné. Donc c'est pas pareil. Tandis que ton rein, si tu l'as donné, il va pas se refaire tout seul. Hein? On n'est pas comme des espèces. Comme par exemple, si tu te coupes la main ou tu te coupes un doigt, une coupure, elle va se refermer puis elle va se refaire. Mais si on coupe ton doigt au complet, il va pas repousser. Il y a certains animaux comme ça, si on le coupe une partie, ça se refait. Mais pas les êtres humains. Ben pas tous les animaux là, mais certaines espèces de lézards et des trucs comme ça, on a vu ça. Ils ont un pouvoir de régénération là, mais ça c'est quelques espèces, mais c'est pas toutes les espèces. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a pas voulu qu'on soit indestructible, sinon il aurait pu nous créer comme ça s'il voulait. Mais il a voulu qu'on ait une limite. Hein, donc ça c'est pour dire, yani. Donc le don de sang. Il y a des ulama qui disent que le don de sang, bon, le sang à la base, il y en a certains ulama ils considèrent que c'est impur. Le sang considère à la base que le sang il est impur. Mais c'est pas tous les ulama qui sont d'accord là-dessus. Il y a divergence sur ça. Ok, mais ceux qui disent que c'est impur, ils disent que le don de sang est permis par nécessité. Par nécessité. Alors que sinon en temps normal le sang ne devrait pas le donner. Mais par nécessité c'est permis. Et il y a des gens parmi les chrétiens, par exemple comme la secte des Témoins de Jéhovah, qui eux ils interdisent absolument le don de sang. Et donc ça veut dire que quand quelqu'un par exemple il est en train de faire une opération puis qu'il a besoin d'une transfusion de sang, eh bien eux ils vont l'interdire même s'il faut laisser mourir la personne. C'est parce qu'ils connaissent pas le fiqh. Ils connaissent pas la compréhension comment appliquer les règles de la religion. C'est pas comme eux ils le pensent, de prendre le texte puis de pas comprendre les règles qui sont reliées à l'application de ces textes là. Et c'est ça qui vient de la compréhension de usul al-fiqh puis de al-qawa'id. Donc, alhamdulillah, il y a le texte, puis il y a la compréhension, comment l'appliquer et comment le comprendre. Non, c'est pas tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui a étudié avec les ulama. Et donc, les gens qui n'ont pas étudié avec les ulama, ils peuvent pas savoir comment mettre ces principes-là en application. Donc, ils font n'importe quoi. Et des fois, c'est comme un médecin qui a appris la médecine uniquement dans des livres. Ça va, Ali? Donc, peut-être que un médecin, lui, il n'a pas appris la médecine seulement dans les livres. Il a eu une formation, il a eu de la pratique, on lui a montré des cas, il a l'expérience des autres médecins pour être formé. On va lui faire des examens, il va, faire des, hein, il va voir des opérations de spécialistes qui font ça pour apprendre les différentes situations, les différents cas et tout et tout. À la fin, il devient médecin s'il est capable. Mais c'est pas juste dans un livre. Et bien la science de la religion, c'est la même chose. C'est pas suffisant juste de lire des livres puis après ça veut dire que t'es un alim. Non. Aussi le fait d'avoir côtoyé les ulama, d'avoir vu dans la réalité comment ils appliquent les règles de la charia et comment ils les utilisent et comment ils les comprennent, les questions. Et ça vient avec des années d'avoir, après avoir vécu avec les ulama, côtoyé les ulama et voir comment ils appliquent la science, comment ils la comprennent, que quelqu'un il arrive à ce degré là hein, Cheikh Ibn Baz par exemple, on dit qu'il a côtoyé Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim pendant 40 ans. Hein? Pendant 40 ans. Donc c'est pas n'importe qui atteint ce degré-là dans la science. Et donc c'est pas si simple que ça, qu'est-ce qu'on s'imagine. Et même dans la dunya, les kuffars par exemple, eux, tu vois, par exemple, les gens qui deviennent juges, qui deviennent les magistrats, puis les juristes, tout ça, c'est des gens qui ont fait beaucoup d'expériences dans le droit, qui ont des trucs comme ça. Hein. Même si dans les lois que les hommes ont inventées eux-mêmes, c'est pas n'importe qui peut arriver à ce degré-là. Hein. Donc dans la science de la religion, c'est la même chose, et même plus encore. Donc le cheikh dit ensuite, « والمهم أن نقول إن الإنسان مأمور بالعدل حتى مع نفسه وليس له أن يهلك أن يهلك ويتلف شيئا من أطرافه كما أنه ليس له أن يهلك أو يتلف شيئا من حياته وقد نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتبهم على أنه يحرم قطع عضو من الميت ولو أوصى به وذكروا هذا في باب غسل الميت في كتاب الجنائز يعني لو أن إنسانا مثلا قال أتبرع بعد موتي بعيني أو بكليتي أو بقلبي لفلان لقلنا يحرم أن يتبرع بها حتى ولو كان بعد موته ولن ينتفع بها ونص على ذلك أهل العلم ووجه ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا يعني في الحرمة والتحريم والإنسان إذا أتاه مرض من عند الله واختار الله له أن يموت فهو وإن لم يمت اليوم مات غدا وربما يكون الموت خيرا له فكم من إنسان يكون بقاؤه على الحياة شرا كما في الحديث شركم من طال عمره وساء عمله. Donc regardez qu'est-ce qu'il dit le cheikh, il répond à la question. Il dit, et l'important c'est de dire que l'être humain, il est ordonné d'être juste. Il est commandé par Allah d'être juste, même avec sa propre personne. Et il n'a pas le droit de se tuer lui-même ou de faire quelque chose qui va faire qu'il va détruire ou corrompre une partie de lui-même, hein, de ses membres ou autres. Il dit que de la même manière qu'il n'a pas le droit de se tuer lui-même ou de se faire périr lui-même, pendant sa vie, eh bien, les ulama, des fuqaha, les savants de fiqh, parmi les savants du madhhab al-hanbali, rahimahumullah, ils ont mentionné dans leur livre qu'il est interdit de couper un membre d'un mort, même s'il l'a lui-même mis dans son testament, ou même s'il avait donné ça comme consigne avant sa mort. En disant par exemple, bon, après ma mort, je donne mon cœur ou mes reins ou un œil ou je donne mon cerveau à la science. Il y en a des fois, ils disent, ah, après ma mort, je donne mon corps à la science pour qu'ils puissent l'utiliser. Ça, le cheikh dit, les fuqaha, ils ont indiqué que c'était pas permis et ils ont mentionné ça dans le chapitre au sujet du lavage du mort dans les funérailles, les règles des funérailles dans l'islam. Et donc il dit que même si quelqu'un avait mentionné dans son testament qu'il laissait ses membres à quelqu'un d'autre après sa mort, que ça c'est nul, c'est pas valide, hein, et qu'on n'a pas le droit d'appliquer ce testament là dans ce cas là c'est-à-dire d'appliquer cette chose là qu'il a mentionné dans le testament, de faire don de ses organes. Et il dit donc, si par exemple quelqu'un disait je donne mon œil, je donne mon foie, je donne mon rein, je donne mon cœur ou des choses comme ça, il serait interdit de les donner même après sa mort. Et il ne profiterait pas de ce don-là. C'est-à-dire quelqu'un qui donnerait ses organes, il ne serait pas récompensé pour ça. Et il dit que les ulama ont indiqué cela, et ils se sont basés sur le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam Ahmad et Ibn Majah selon Aisha radiyallahu anha, dans lequel il dit que de briser un os d'un mort, c'est comme si on lui avait brisé quand il était vivant. Donc si tu brises l'os d'un mort, c'est comme si tu avais brisé l'os de cette personne même lorsqu'il était vivant. Donc il dit, c'est-à-dire que c'est la même chose dans le sens que c'est aussi sacré après sa mort que pendant sa vie, et c'est aussi interdit que quand il était en vie. Il dit que si quelqu'un, par exemple, la mort lui vient, Allah il a décrété que cette personne-là, c'était le moment de sa mort, et que Allah a choisi que cette personne doit mourir, alors il dit, s'il ne meurt pas aujourd'hui, il va mourir demain, hein? Donc il dit que c'est possible que sa mort est meilleure pour lui que de rester en vie. Il dit, combien de personnes, s'il restait en vie, ce serait un mal pour eux s'ils continueraient à vivre. C'est comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam Ahmad et At-Tirmidhi selon Abu Bakra radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les pires d'entre vous sont ceux dont la vie est longue et les œuvres mauvaises, hein? Donc c'est pour ça que même dans le dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que personne d'entre vous ne souhaite mourir, hein? Et que si quelqu'un doit faire le doua, qu'il dise, oh Allah, prolonge ma vie si la vie est meilleure pour moi, hein? Et ainsi de suite. Mais parce que si tu dis tu souhaites de mourir, peut-être que le fait de vivre pour toi est mieux, puisque peut-être qu'il y a beaucoup de bonnes œuvres que tu peux accomplir encore, et beaucoup de bonnes choses que tu peux faire encore, hein? Et c'est pour ça que les ulama, ils ont dit, il y en a des, quand certains ils réfutaient les khawarij qui pensent que le plus important c'est de mourir martyr puis de se faire tuer, hein, eh bien ils leur ont dit non, ça c'est la l'issue des lâches, des gens qui veulent à tout prix mourir, ils pensent que la mort est meilleure que la vie, alors que parfois au contraire, tu peux vivre et avoir beaucoup plus d'opportunités de faire des bonnes œuvres, et peut-être que en mourant justement tu perds toutes les bonnes opportunités de faire du bien. Non. Puis par rapport à qu'est-ce que je disais tout à l'heure, c'est que les ulama ils disent al hayatu fi sabilillah أصعب من الموت في سبيل الله. C'est-à-dire la vie dans le sentier d'Allah est plus difficile que la mort dans le sentier d'Allah. Parce que mourir, t'as rien à faire dans le sens que c'est facile. Tandis que vivre, c'est ça qui est difficile. C'est ça l'épreuve. Hein? Si quelqu'un il est trop lâche parce qu'il est pas capable d'endurer les difficultés de la vie, les difficultés de la lutte dans le sentier d'Allah et dans la vie de tous les jours, dans la patience, dans la da'wa, dans toutes ces choses-là que Allah il nous teste, eh bien il cherche une issue rapide. Donc il pense que la mort c'est l'issue, hein, pour ça, pour s'échapper des difficultés de la vie. Comme le suicide, ou bien de faire des choses qui risquent de, tu sais, des fois il y a des gens, ils vont pas se suicider, mais ils vont se mettre dans des situations dangereuses pour justement faire en sorte que, hein, oui, favoriser ça. Mais c'est comme il faut être, disons, plus, il faut être plus patient et endurant, et faire preuve d'endurance et de patience dans les épreuves de la vie, ça fait partie de la foi, ça aussi. Allahu a'lam. Mais une chose que je sais par rapport à ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne, quand elle va être ressuscitée, elle va pas être ressuscitée, elle va être ressuscitée comme Allah l'a créée la première fois. Donc si la personne était circoncis, ben quand elle va être ressuscitée, elle va pas être circoncis. Parce que c'est mentionné dans le hadith que Allah, il va nous ressusciter, et yani, on va être nu et on va être non circoncis. Donc est-ce que ça veut dire que si quelqu'un il avait perdu un bras, il va avoir son bras? Si quelqu'un il avait une jambe coupée, est-ce qu'il va avoir sa jambe? Hein? Allahu a'lam. Hein? Mais bon, une chose que je sais, c'est par rapport à la circoncision, qu'on sera ressuscité, on ne sera pas circoncis. Et ensuite, le cheikh dit: والإنسان المؤمن إذا انتقل من الدنيا ليس ينتقل إلى دار أسوأ بل ينتقل إلى دار خير من داره ولذلك ندعو للميت ونحن نصلي عليه ونقول اللهم أبدله دارا خيرا من داره وربما يحصل عند هذا الذي أصيب بمرض في كليته من الإنابة إلى الله والرجوع إليه وتلقي الموت باستعداد تام وهذا أفيد بكثير من أن تبقى حياته أياما ثم يموت. Donc le cheikh dit, l'être humain يعني lorsqu'il quitte cette vie d'ici-bas, lorsqu'il est musulman, lorsqu'il est croyant, lorsqu'il est musulman, il va être amené vers une demeure meilleure après sa mort. Et il va passer vers une meilleure demeure que celle qu'il a quittée dans cette vie. C'est pour ça que lorsque le musulman il meurt, eh bien on va faire des prières pour lui. Hein? Et dans les du'as qu'on va faire pour lui, on va dire « Oh Allah, remplace-lui cette demeure par une demeure meilleure. » Donc, il dit que c'est possible que la personne qui a été touchée par une maladie dans ses reins, à ce moment-là, il va avoir une repentance, il va revenir vers Allah, il va se repentir, et il va accueillir la mort avec une complète préparation. C'est-à-dire, il va être prêt pour sa mort. Et ça, c'est plus bénéfique pour lui, que c'est beaucoup plus bénéfique pour lui que de rester en vie pendant plusieurs jours puis de mourir par la suite. Donc beaucoup de gens, par exemple, quand on leur apprend, le médecin leur apprend, par exemple, ah monsieur, madame, vous avez une grave maladie, vous avez un cancer, vous avez ci, vous avez ça, il vous reste par exemple quelques mois à vivre, quelques semaines à vivre, la personne, ça a un effet, la personne elle va se repentir, elle va, hein. Je connais une dame, je pense que je vous en avais parlé déjà, la mère d'un de mes amis d'enfance, et il s'était converti à l'islam un peu de temps après moi, et cette dame, c'était une chrétienne pratiquante, elle allait chaque week-end à l'église et tout, puis quand elle a su que il lui restait pas beaucoup de temps à vivre, hein, Elle a, avant sa mort, elle a su qu'elle allait mourir dans quelques mois. Elle a dit à son fils, puis à tous ses enfants, elle a dit, je me convertis à l'islam. Elle a dit à sa famille, elle a dit, moi, j'accepte l'islam. Elle a dit, je veux mourir musulmane et je veux être enterrée dans le cimetière musulman. Et elle a dit à toutes ses, c'est une dame haïtienne, elle a dit à tous ses enfants, qui sont pas musulmans, parce qu'elle a un fils qui est musulman, les autres sont pas musulmans. Elle a dit à ses fils qui, et sa fille qui sont chrétiens, alaykoum salam, elle a dit, je veux pas que vous objectiez à ma décision, que vous vous opposiez à ma décision après ma mort, et que vous disputiez sur ma décision. Je veux que vous compreniez à partir d'aujourd'hui que je suis musulmane et je veux être enterré dans le cimetière musulman. Et que vous respectiez ma volonté, ma dernière volonté. Et effectivement, la dame s'est convertie à l'islam. Et quelques jours avant sa mort, avant son décès, je suis allé la visiter. En tout cas, subhanallah, c'était touchant. Pourquoi ? Parce que cette dame-là, elle était chrétienne, mais chrétienne obstinée. Et vraiment, yani, fervente là. Oui, elle voulait rien savoir de l'islam. Et à chaque fois même, elle était toujours contre nous, contre son fils, contre moi et tout. Et finalement, yani, c'est comme si, à force de voir comment son fils a changé, comment il est devenu un bon musulman, inshallah, que yani, après il s'est marié, il a fondé sa famille et tout. Et de voir comment il vivait une vie beaucoup plus droite que peut-être la majorité de tous les gens qui sont dans son église et que son pasteur. Hein? C'est vrai. Beaucoup de chrétiens, ils ont dit ça. Yani, subhanallah. Même je me rappelle ma mère, au début, quand j'étais nouveau dans l'islam, ma mère s'était pas encore convertie. Dans la première ou deuxième année de ma conversion, puis quand on était en famille, et si c'était l'heure de la prière, par exemple, on était chez ma grand-mère, j'allais faire ma prière dans le salon. Je quittais la table, j'allais faire mon houdou, j'allais dans le salon et je faisais ma prière. Ma mère, elle me suivait en cachette pour venir m'observer, voir qu'est-ce que je faisais. Puis elle retournait s'asseoir. Et puis après, elle est allée voir le prêtre pour lui demander quoi faire avec moi, étant donné que j'étais devenu musulman, qu'est-ce qui allait m'arriver. Le prêtre lui a dit, madame, votre fils, il va aller en enfer. C'est devenu musulman, là, il va aller en enfer. Elle a tellement été choquée de cette réponse-là. Elle a dit, mon fils, il prie plus que les chrétiens, plus que les catholiques. Il jeûne. Et quand on est assis à la table, il se lève pour aller prier. Et vous allez me dire que, hein, lui, il va aller en enfer, puis nous, non. Alors, à partir de ça, elle a commencé à avoir les doutes. Et il a commencé à réfléchir. Et c'est ça qui a fait que, quelques temps après, Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, l'a guidée à l'islam. Alhamdulillah. Et donc, par la suite, elle est restée musulmane, elle a pratiqué sa religion. Puis, en 2010, elle est décédée, rahimahallah. Elle est enterrée dans le cimetière musulman. Hein? Donc, tout ça, c'est des exemples pour dire, yani, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sagesse. Dans ça. Et donc, des fois, la mort est mieux pour quelqu'un, c'est mieux qu'elle meure plus tôt, tandis que pour d'autres, c'est mieux qu'elle meure plus tard. Et dans tous les cas, le don des organes, ça doit pas, on doit respecter le corps des gens, qu'ils soient vivants ou morts. Il ne reste pas beaucoup de temps, on va lire un autre paragraphe, Inch'Allah. Il dit, وَلِهَذَا لَمَّا جَاءَ مَلَكَ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ لِيَقْبِضْ رُوحَهُ لَطَمَهُ مُوسَى حَتَّى فَقَأَ عَيْنَهُ فَرَجَعَ مَلَكَ الْمَوْتِ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي يَا رَبِّ إِلَى رَجُلٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مره أن يضع يده على جلد ثور وله من السنين بقدر ما تحت يده من هذه الشعرات وهي كثيرة وعلى أننا لا نعلم عن كيفية يد موسى عليه السلام هل هي كبيرة أم صغيرة ولكن لا شك أنها أكبر من يد إنسان الآن يد الإنسان الآن لأن الخلق يتناقص حتى وصل إلى هذه الأمة ثم إن الثور تختلف بالنسبة للثيران بالنسبة لرصف الشعر كما تختلف رؤوس بني آدم. المهم أنها ستكون كثيرة. قال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فمن الآن، لأن عمرك ولو طال فكأنما تلبث ساعة من نهار، والآن مثلا نحن متفاوتون في الأعمار، الكثير منا والقليل، كل الماضي سواء كأنه لم يكن. فقال موسى عليه السلام: فمن الآن، ولكن أسأل ربي أن يكون موتي حول البلاد المقدسة. فانتقل إلى هناك فمات هناك عند الكثيب الأحمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لأريتكم قبره، ولكن الحمد لله أنه لا يعلم الآن ولا يعلم قبر من قبور الأنبياء السابقين إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه الله سبحانه وتعالى من هذا المكان. فالحاصل أننا نقول إن الإقساط واجب في كل شيء، حتى في النفس وفي الأهل والأولاد. فقد كان السلف يعدلون بين أولادهم في التقبيل، وإذا قبل الصبي مرة قبل الثاني مرة، وإن قبله مرتين والثاني ينظر قبله مرتين، يريدون العدل حتى في التقبيل. ومتى عود الإنسان نفسه على العدل أعانه الله عليه. فيجب العدل بين الأولاد في العطية، والعدل بين الزوجات، والعدل بين الخصمين، وفي كل شيء. وقوله يجب يحب المقسطين ليس القاسطين، وقال تعالى: أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والفرق بين القاسط والمقسط أن القاسط هو الجائر، والمقسط هو رافع الجور أي العادل. Donc on va terminer avec ce dernier paragraphe. Il dit que lorsque Moussa alayhi salam allait mourir, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé l'ange de la mort. Mais yani, il a frappé l'ange de la mort. Il a crevé l'œil de l'ange de la mort. Alors l'ange est retourné vers Allah. Il lui a dit: oh Allah, tu m'as envoyé vers quelqu'un qui ne veut pas mourir. Alors Allah Azza wa Jal lui a dit: ordonne-lui de placer sa main sur un bœuf noir, ou bien sur un bœuf, et il aura le nombre de jours équivalent aux poils qui sont sous l'endroit où il a mis sa main, sous le poil de l'animal. Et le cheikh dit: on ne sait pas la grandeur de la main de Moussa, est-ce que c'est une grande main, une petite main? Et on sait que les gens à l'époque, ils étaient plus grands qu'aujourd'hui, parce que les gens, ils diminuent maintenant en création. Et on ne sait pas non plus ce bœuf là comment il était, comment ses poils et ainsi de suite, mais on sait que c'est beaucoup, hein. Et il dit: et ensuite qu'est-ce qu'il va y avoir? Il dit: ensuite tu vas mourir, hein. Et il dit: donc à partir de maintenant. Il dit: parce que ta vie là, même si tu as vécu longtemps, quand tu penses à ta vie et au passé que tu as vécu sur terre, c'est comme si ça a duré juste une journée, même pas, hein, quelques minutes. Tu penses à tout qu'est-ce que tu as vécu depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si c'était une durée très courte, hein, ça a passé très vite. Et il dit: c'est la même chose lorsque tu vas être ressuscité, tu vas penser au moment que tu as passé sur terre. C'est comme si tu avais vécu quelques minutes sur terre seulement. Et les gens, ils sont différents dans la durée de leur vie. Certains ils vivent longtemps, d'autres moins. Et peu importe. Donc tout ça, c'est pour dire que il a dit: je demande à Allah qu'il fasse que je meure dans les terres saintes. Alors il a été ramené à cet endroit-là. Et C'est là qu'il est mort et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, si, j'aurais pu vous montrer l'endroit où il a été enterré. Mais il dit, alhamdoulilah, on ne sait pas où il a été enterré et on ne connaît pas non plus l'emplacement de la tombe d'aucun d'entre les prophètes précédents, excepté la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres, donc, ils ont été, on connaît pas l'endroit de leur tombe. Et il dit donc, en résumé, tout ce qu'on a dit, c'est la justice, c'est une obligation pour tout le monde, même envers soi-même, envers notre famille, envers nos enfants. Et il dit, les salafs, ils étaient justes, même envers leurs propres enfants, dans les baisers, hein, quand ils embrassaient leurs enfants. S'ils embrassaient un une fois, ils embrassaient les autres une fois. Et s'il embrassait un deux fois et que les autres le voient, eh bien il allait embrasser les deux fois chacun pour pas être injuste envers eux, même dans le fait de les embrasser. Donc ça veut dire qu'on doit s'habituer à être juste. Et celui qui s'habitue lui-même à être juste envers lui-même, envers les autres et envers lui-même et envers toutes les créatures, eh bien Allah va l'aider à être juste. Donc il faut être juste, même avec les enfants, quand on leur donne des choses, il faut le donner à chacun. Si on a plusieurs épouses, eh bien il faut être juste envers nos épouses, hein. Tu vas pas donner quelque chose à une de tes épouses puis tu donnes pas aux autres. Et il faut être juste aussi entre les gens quand il y a une dispute, hein, être égal et être juste avec les gens. Wa alaykoum salam. Et il faut être juste dans toutes choses. Et puis il explique en même temps, pour terminer, la différence entre al-qasit ou al-muqsit. Al-qasit, c'est l'injuste, et al-muqsit, c'est le juste. Donc pour dire en arabe, al-muqsitun, Allah yuhibbu al-muqsitun, et il dit dans l'autre verset, wa amma al-qasitun fa kanu li jahannama hataba. Donc c'est la même racine, mais c'est deux sens opposés. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine ce sujet-là, inshallah. On va faire l'adhan maintenant. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.